Ça, on va envoyer l'archivage. Voilà, allez, c'est parti. On envoie d'abord un petit jingle que les filles nous ont préparé. Ce magnifique jingle, c'est lequel? Oui, tiens. C'est lequel? Welcome. Welcome. Pardon, on va renvoyer. Ah, il y a un petit problème. Ça commence bien. Voilà. Ah, c'était mignon. C'était mignon. Ah, c'était un petit. C'était fait maison. Oh, c'était trop mignon. Voilà. On va juste rapprocher le micro de vous. Attends. Comment on va faire? Le micro qui est un peu collé à la table. Voilà. Et parlez le plus en face possible. Parlez oui, le plus chef. En face. Oui, chef. Voilà. Alors, vas-y. Qu'est-ce qu'on met ensuite après ce jingle? Après ce jingle, je pense qu'on va commencer par a track. Une chanson qui s'appelle Call That Girl Margarita. Ouais. Oh, yes. Voilà. J'ai okay. envie de commencer par ça. Ok, on envoie alors. Tout de suite. Pour vous. J'aime beaucoup que quand les filles viennent mixer parce que elles sont très timides. Elles sont toutes timides, elles pensent que c'est nul ce qu'elles font. Et il va falloir que tu parles beaucoup plus fort ma chérie parce qu'on bon, d'accord. Est-ce que et là, c'est face, bien. Face. Là, ah tu es en unidirectionnel. Ah bah oui, en unidirectionnel, bah, c'est des micros de professionnels hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Donc je répète que Sunshine c'est juste un peu planqué derrière moi. Ouais. Ma coach est plus petite que toi et je suis derrière. Oh, c'est mignon. Elles sont mignonnes. Elle est assise sur un pouf, je suis assise sur une chaise surtout. Oh, bon, et donc, elles nous ont préparé vraiment une super sélection. Je vous demande de rester, écoutez un peu, parce qu'elles vont performer de plus en plus, sachant qu'il faut qu'elles boivent un peu d'alcool. On nous a mis de la vodka en intraveineuse. Donc, voilà, c'était A-Track avec Call That Girl Margarita. Et, oh putain, mais c'est, on enchaîne tout de suite avec Calvin Harris en fait. Ça a envoyé Calvin Harris. On bouge pas avec Calvin Harris. Voilà, on n'avait pas vraiment prévu ça. Il a un peu tout foutu en l'air, mais va non, bah on change. Harris. Attends, regarde, on coupe. Tu sais, c'est facile. Hein, on s'en fout. On n'est pas sur énergie. Hein. On fait ce qu'on veut ici. Energy. Radio number one. On envoie quoi alors, les on filles envoie Hot Lips. Hot de Lips. Pacific, qui est oh. ma chanson culte en ce moment. Ah, moi, ce que j'adore, c'est. Ma happy song. Ah, ce que j'adore, c'est l'accent. En tout c'est cas. Aussi pour Judith. Ah, très Judith, bien. On t'aime. Ah, on envoie ou pas Hot Lips, ça marche? Double clic. Ouais, ça marche. C'est aussi la chanson de la page MySpace. Je répète parce que personne n'entend. C'est la chanson de la page MySpace. Et voilà, là on t'entend. Là j'aime bien. Hot lips, I do like you. Yes, every word is true. Si quelqu'un nous entend, si. J'ai coupé ta chanson parce que je pense qu'on peut passer à autre chose. En plus, on a remplacé Joachim par Fabien, notre manager. Fabien ? Le manager. Ouais, non, on avait baissé. Voilà, on vous présente Fabien, l'homme de l'ombre. Ça y est, tu peux parler. La petite grille noire, monsieur, la petite grille noire. Je m'en fous, moi, j'appuie sur quel bouton ? Non, mais tu peux parler. Je veux dire. Bonsoir. Non, plus je vais essayer de faire une voix langoureuse comme Joachim. Bonsoir, vous êtes sur ma radio. Vous pouvez me poser des questions, des jingles, tout ça. On va peut-être vous mettre un jingle, parce qu'on les a quand même... Non, et tu sais quoi ? Je vais juste te donner un conseil. Oh, putain, qu'est-ce qu'il y a ? Parle bien. Sois heureuse d'être sur ma radio. Voilà. C'est ce qu'on me disait au début. Voilà, dans parle bien. Bah ouais, bah tu vois que c'est compliqué. Tu maintenant je sais. Avoir l'air heureux. Bah voilà, maintenant je sais. Il faut en fait. Rigoler. Bah voilà, il faut y sourire tout simplement. Il faut y aller. Il faut envoyer un petit peu parce que sinon ça saoule les gens. Bon, et là vous le voyez pas non plus, mais Sunshine sourit. Elle suit le mouvement. Elle est là. Bon, alors bon, on a écouté un super titre qui s'appelait... Non, on voudrait mettre un jingle. Ah, on va mettre un jingle, bien sûr qu'on va mettre un jingle. Mais c'était Hot Lips The Pacific. Voilà, c'était Hot Lips. Et c'est quoi le jingle qu'on met ? Le Tonight. Le Tonight. Yeah. On envoie tout de suite le jingle. Voilà, c'était un super jingle de Miaou Mix. On comprend pas très bien votre jingle, je suis désolé, mais On vous le repassera. Et d'accord. Si c'est genre un mélange, c'est un mélange de sons, quoi. D'accord, pas mal. Alors maintenant, je voudrais, enfin, on va écouter Prince. Ah, Prince. Sheila E. Avec Love Bizarre. Je t'avais demandé ça une fois, tu l'as jamais mis. Bah non, mais maintenant tu voilà, le mets. Donc je suis là, je suis venu exprès pour la passer. Et ben voilà. Et ben je suis très ravi, en tout cas, je suis ravi. Non, tu es très ravi. Je suis très ravi. Tu es très ravi. D'avoir Sunshine et je sais plus qui chez moi, en train de balancer du son sur ma radio. Retrouvez-les si vous voulez les voir en chair et en os, complètement nues, parce qu'elles m'ont dit qu'elles seraient complètement nues. Topless. Demain soir. C'est déjà fait. C'est déjà fait, mais bon, ça sera refait. C'est plus à la mode, c'est la semaine dernière. Voilà, ça sera refait éventuellement demain soir chez Maxime's pour la soirée Party Animals. Soyez-y, elles y seront nues. Au deuxième étage. Et voilà, et qu'est-ce qu'on envoie après ? Donc on envoie Prince avec Sheila E. Ah oui, c'est ce que tu m'as dit, oui, bien sûr. Oui, tu m'écoutes pas. Avec Love Bizarre. Love Bizarre. Et ça, c'est du bon. Ça, c'est du bon, c'est ça que tu Très, penses? Très bon. Ah, d'accord. Du très lourd. Du lourd. Tu parles comme... Tu kiffes papa ou pas? Ouais, je kiffe papa. On est sur Skyrock ou quoi? Yeah, vas-y. Ah, vas-y, cousine. Balance le son. Grâce dédi, grâce dédi à Woody. Ouais. Woody des bois. Woody des bois qui coupe du bois. C'était Prince avec Love Bizarre. Et avec Shelaï surtout. Ah oui, avec Shelaï surtout. Ah oui, tu insistes sur le Shelaï. J'insiste parce que si les gens cherchent à Prince, ils la trouveront pas. Mais c'est pas I comme la lettre en français, c'est E en français. Shelaï E. C'est Shelaï E. Comme je parle, comme je suis bilingue. Ah bah c'est français, ça. Français, français. Plutôt français que français. Voilà, Shelaï E. Shelaï E avec Prince. Avec Prince. Bizarre, Prince. Bizarre amour. Ah oui, donc tu dis Prince et tu dis Shelaï, c'est bizarre. Voilà. Moi je dis c'est bizarre. On n'entend pas du tout Sunshine. Sunshine, elle est prostrée dans un coin. Elle a peur du micro. Le micro va la manger, on dirait. Le robinet parle, j'ai peur. Ah, mais il faut parler plus fort, Sunshine. Oh, mais j'ai une toute petite voix. Oui, mais. Quand elle gueule sur son mec, je te jure qu'elle a pas une petite voix. Bah, fais comme si. Voilà, tu regardes le micro, tu penses que c'est ton mec et t'es énervé contre ton mec. Ou pas. Ou pas. Faire autre chose. Ou pas. Ou mais là, on t'entendra vraiment pas. Donc, c'était Prince Love Bizarre avec Shelaï. Et c'est le Miao Mix ce soir. Voilà. Ouais, et demain soir aussi, mais pas ici. Mais pas ici, dans un club avec beaucoup de gens, avec beaucoup d'alcool, avec beaucoup de sueur, avec beaucoup de love, avec beaucoup d'amour. Beaucoup de sang. Beaucoup de sang. Enfin, ah, surtout 4. 400 ? 400. Ah, beaucoup de sang, j'ai compris, de sang. 400. Oh merde, la soirée gothique. Ouais, c'est gothique demain soir. Attends, donc, y a plus d'inscrits en plus, là, du coup. Pente de salaud. On est bien sur Radio 666, la radio de gothique. Donc on écoute quoi après les filles? Grolandic Edit de ouais. Of Montreal. Voilà. Et ça, c'est quoi ça? C'est un nouveau groupe Of Montreal. Et ils sont pas du tout de Montréal en plus, je crois. Non, même pas. Ils sont de Montluçon. Ils sont de Montluçon. C'est pas glamour, Of Montluçon. Ils sont de Montréal. Ok, alors on écoute tout de suite Of Montreal, Groland Edit. Grolandic Edit. Oh là, c'est dur à dire. C'est pas beau à prononcer en fait. Non, c'est pas beau. Et c'est pas... charmé à écouter. Enfin, ça s'écoute. Voilà, on écoute. Ça se parle pas. Grolandic Edit. Remue tes fesses. Bande de salauds, remuez vos fesses, bande de salauds. Va. Spank me. Ah bah continue à chanter, tiens, pendant le morceau. Oh my god. Tu sais qu'il fait des aigus dans la chanson. Allez. Come on, move it. Mets-lui le casque. Tu vois le I am satisfied. Hiding in my friend's apartment. Only leaving once a day to buy some groceries. Daylight, I'm so absent-minded. Nighttime meeting new anxieties. So am I erasing myself? Hope I'm not erasing myself. On va pas chanter par-dessus toute la chanson. Oh si, on va chanter. I guess it would be nice to give my heart to a god, but which one? Which one do I choose? Oh, the church is filled with losers, psycho or confused. I just want to hold the C'était Of Montreal. Grolandic Edit. Voilà. Et on est ravis d'avoir les filles ce soir avec nous sur ma radio. Et pour un Miao Mix, pour un spécial Miao Mix. Donc elles nous balancent plein de leurs titres. Très sympathiques. J'ai envie de mettre des pages de 3 minutes avec le Miao Mix. Miao Mix, Miao Mix, Miao Mix, Miao Mix. Voilà, il faut balancer votre nom. Balancer tout le temps votre nom. Donc on écoute quoi après les filles? C'est à moi. Ah, c'est à toi. Ah, tiens. Voilà. C'est pas grave. On a dis-moi, je vais sur ton truc. Il y a du sabotage. Où ça ? Là, ce que tu viens de faire. On va mettre. Mon morceau. Ah, ton morceau. Mon morceau le que je t'avais tien. Demandé, oui. Ah oui. Qui s'appelle morceau. Precious Little Diamond. Eh ben, je te l'ai mis la dernière fois. Oui, d'ailleurs, j'ai apprécié. En même temps, j'aurais pu le mettre moi-même toute seule, mais je me suis dit que passer par toi, c'était plus, voilà. C'était plus mieux. Bah, c'est, donc, c'est Fox de Fox. Et moi, je l'adore ce morceau. C'est mon hymne. C'est vraiment je l'adore. Mon hymne. Et merci de m'avoir envoyé ce morceau que je balance maintenant à peu près tous les jours. Hein, j'espère. Bien sûr. Alors, on écoute tout de suite Fox de Fox. Et s'appelle Precious Little... Non, Precious Little Diamond. Bah, c'est... bah oui, mais non, Precious... Non, pas Precious Little Diamond, c'est anti-glamour. Quoi, j'allais dire Precious Little Diamond. Non, tu n'allais pas dire. Espèce de connasse. Pédé. Connasse. Salaud. Salope. Oh oui. Ouais. precious little diamond. Precious little diamond, I leave it all to you. Precious little diamond, let it come to you. Well, I got my reasons while I still believe in you. You're my cry of wonder. There's no un peu parce qu'elle est super longue, donc bon, c'est toujours pareil quoi. Mais elle est bien quand même, hein. elle est chambée. Qu'est-ce qu'on va à mon tour. Alors moi j'ai envie de faire une petite dédicace à notre cher maître de cérémonie, monsieur Joachim. Oh, c'est gentil. Recommémorer un moment fort à Rock Antenne cet été. Ah oui. Un petit Cold War Kids. Ah bien. Oh, oui, jamais aussi bien que le live, mais bon, c'est bon quand même. Mais quel est snob, mon dieu. Pour toi, Joe. Non, c'est trop adorable. Parce qu'on sait que tu la kiffes. Bien sûr, j'adore cette chanson. Thank you. Ah, c'était les Cold War Kids sur ma radio. Spécialement pour toi. Ah, ça c'est gentil. Oh, ah, ça c'est gentil. Au moins j'ai ça de vous et ça c'est bien. Je vous ai pas pour moi tout seul. Non, parce qu'il y a. Parce qu'il y a Fabien, il y a Fabien qui veille derrière. Un peu notre bac à nous. Ouais, c'est votre. Non, c'est votre tour manager. Il m'a appelé cet après-midi. Ouais, c'est quoi les connectiques, tout ça. Payé combien. Voilà, ils sont payés combien. Est-ce qu'il y a un catering sur place. Est-ce qu'elles peuvent manger. Est-ce qu'il y a des loges, tout ça. C'est fatigant, c'est fatigant. On écoutait les Cold War Kids avec Hang Me Up to Dry sur ma radio. Et on a ce soir le Miaou Mix avec Sunshine et Chez Puki qui nous font le plaisir de nous balancer que du bon son et aussi des spéciales dédicaces pour moi, comme Cold War Kids. Et maintenant, on va faire une spéciale dédicace à qui ? La suite, c'est une spéciale dédicace ? Non, mais on va dire qu'il se retrouve. Ce oui, verre qui traîne là, qui va arroser. Voilà. On va faire une dédicace à personne parce qu'on écoute, on n'entend jamais cette chanson. C'est de Arc. Ouais. Ça s'appelle Glamour for Glamour. Ouais. Et je vous la fais peut-être découvrir pour pas mal de monde et peut-être pas pour d'autres. Voilà. Des connaisseurs avertis, ça veut rien dire. Ouais. Ouais. Mais elle est franchement bien. D'accord. Et voilà. On vous retrouve en fait une fois par mois ou plusieurs fois par mois, vous, le Miaou Mix, dans des soirées. Vous êtes un peu partout en fait. Vous êtes la nouvelle tendance parisienne. Ouais, la fête du boudin à Strasbourg. Ouais. Ce truc comme ça. Est-ce que vous habillez en fluo quand vous mixez le soir non, ou pas. Pas forcément, non. Ça dépend. D'accord. On a du fluo, mais c'est pas notre base principale. D'accord. C'est plutôt du vintage en fait. Non, je tiens juste à vous dire une chose, c'est qu'elles sont nues là. Donc c'est pour ça que je leur demande comment elles sont habillées parce que là, c'est très difficile à voir. Dans 5 minutes, c'est Joachim qui est nu parce que là, il fait sa majorette. Tiens, hop là. Il y a 112, on est en train d'éclater les scores. 78. 78 personnes qui voudraient voir Joachim nu ou peut-être nous. Et voilà. Et nous, descend. Merde, on a perdu deux. Tiens. Bon, allez, on envoie tout de suite Arc avec Clamour. Clamour for Glamour. Clamour for Glamour. All right. Oui, il y a des gens qui sont. Putain, si après ça on danse pas, on se demande ce qu'on fait. Bien, hein. Ah, elle est super celle-là. Merci de m'avoir fait découvrir Arc. Ah, c'est un cadeau. Merci. Et tu avais quelque chose à dire, Sunshine, non ? Oui, moi je voulais dire quelque chose. Alors je vais passer en mode anglophone parce que nous avons des auditeurs anglophones ce soir et un en particulier. Thank you, David, for this pearl. Thank you so much. Meow Mix brand cat food has the three flavors cats love best and tastes so good it's become a universal favorite. Ouais, c'était pas mal ça. Hein. C'était une pub Meow Mix. C'était pour vous. C'était rien que pour vous. On envoie quoi après les filles? Le jingle de Party Animals. Le jingle de Party Animals, la soirée où on vous mixez tient, demain on soir. On l'a vraiment fait de nos mains ce truc. Bah voilà. Thank you David too. Et voilà, ah, c'était court, hein. c'était assez intense. C'était bref, mais intense, enfin, comme tu dis. C'était pas celui-là. C'était pas celui-là. C'est celui qui fait 29, regarde. Ah, c'est celui-là. Voilà. Oui, on... Ah, si, non, si, bon, si, on va si, on va enchaîner les jingles. On est sur. Polémique. Bah, bien sûr, on est sur ma radio, on fait ce qu'on veut. C'était la pub, allez, tu sors. C'était laquelle alors qu'on envoie? Celle qui fait 19. 19, alors on envoie celle-là. Ok, alors là il y a. Y a on a perdu voilà. Le parti animal, c'est pas grave, on y est quand même demain soir. Voilà, donc elles le mettront demain soir pendant qu'elles vont mixer, parce qu'elles mixent demain soir chez Maxim's. Petite page de pub encore et toujours. Encore, toujours, il faut dire, où, parce que les gens ne savent pas où sortir. Vous avez aussi des soirées au showcase qui risquent d'être pas mal. J'ai vu, il y a le couscous samedi soir, c'est couscous, non ? Ouais. Samedi 3. Samedi 3, ah c'est pas ce samedi là ? Ah, c'est le week-end d'après, voilà. Donc j'ai toutes les infos en live direct. Mercredi Halloween au showcase. Ah, je savais même pas. Dieu sait si je m'en occupais Drag de cet endroit. Au platine. Je m'en fous maintenant en fait. Je m'en fous de ce qui se passe là-bas. Ouais, tous des cons. Tous des salauds. Tous des salauds. Ils m'ont pas donné d'argent. Oh man, il y a règlement de compte sur les ondes, c'est horrible. Demain, on passe chez Courbet. C'est monstrueux. Voilà. Julien Courbet. On va. Parce qu'on n'est pas, là pour rire. On non. est un peu là pour rire, non. mais on est là aussi pour balancer du son. Qu'est-ce qu'on écoute après, mes filles ? Ah, je voulais dire aussi quelque chose. C'est, j'ai rencontré notre président de la République ce matin. Je voulais vous le dire. Nico ? Oui, voilà, vraiment. J'étais à l'Élysée ce matin. Ouais. Je me vante, c'est snob, tout le monde s'en fout. Il y a peut-être des gauchistes qui vont me frapper demain, je m'en fous. Et est-ce qu'il a lu la lettre de Kim Oké, de Kim Oké, ouais. Il te l'a lu ? Il a lu la lettre d'Abdel Zakem, c'est un copain qui, parce qu'il lui doit un peu de pognon. Et il lui a lu, c'est une note de frais. Je sais pas pourquoi. D'accord. Donc Sunshine nous a préparé quelque chose. The Salmon Dance, Chemical Brothers. Voilà. Allez, Sunshine, on voit tout ça. Ah, presque, presque. Non, c'est pas celle-là. Ah, on ne peut pas l'écouter, celle-là. Non. On l'a coupé. Attends, je vais te l'envoyer. Tu n'as rien entendu, tu oublies ce que tu viens d'entendre. Non, mais on n'a rien entendu, j'ai coupé de toute façon. Donc on n'entend pas du tout ce qu'on a mis. Donc on envoie Salmon Dance. C'est ce qu'on dit d'ailleurs. Si, on écoute beaucoup. Chemical Brothers, Salmon Dance. Hello, boys and girls. My name is Fat Lip, and this is my friend Sammy the Salmon. What it do? Today, we're gonna teach you some fun facts about salmon and a brand new dance. Oh. things. We change rats a couple of days after spawning, then we die. When I first did the salmon, all the people just laughed. They looked around and stood like I was on crack. I heard somebody say out loud, what the fuck is that? This nigga's dancing like a fish while he's doing the snap. But the more I kept doing it, the more they were feeling it. And then I heard some bitches say, yo, that nigga's killing it. By the end of the night, everyone was on my team and the whole club was dancing like a salmon floating upstream. Find their home waters by sense of smell, which is even more keen than that of a dog or a bear. Wow. My family also rely on ocean currents, tides, gravitational pull of the moon. The moon? Fish pay attention to the moon? Wow. Again. Did you know? What? That I could go to Japan and back. You're kidding me. Amazing. Jeez. Polluted waters can kill both baby salmon that are developing and the adult salmon that are on their way to spawn. Wow, what a shame. What a shame. Huh? Wow. Et bon, voilà. Avec. Wow. Oui, je parle. Oh, fatigue. Tout ça pour me voir en face d'un truc comme ça. Je trouve ça tellement sexy de te voir devant un grand truc noir comme ça. Ça va tellement bien. Ouais. Tu t'es retrouvé souvent devant des grands trucs noirs comme ça ou pas? Non. Non. Non. Ah, non. Longue et dure. Longue et dure, oui, mais. Merde, attends, ça va faire raciste. Noir, non, jamais, ça ne m'est jamais c'est arrivé. C'est une radio qui n'est pas raciste, apolitique. Oui, attends, il paraît que tu as fait des blagues sur les juifs tout à l'heure. Pas du tout. Mais non, non, multiculturel ici. Pas du tout. Voilà, pas du tout. Donc, les filles, on écoute quoi maintenant? On va mettre un titre de TTC, un des derniers. Ah peut-être oui. Même le dernier. C'est dans cette liste-là ou c'est dans la celle-là? Liste, ah oui, oui. Qui s'appelle Travailler, parce oui. que j'aime bien travailler, mais oui, ça dépend des jours. Voilà. Et voilà, c'est Protactile, c'est Tactile, pardon, Protactile. C'est une production Tactile, parce que là, tu lis ton truc, mais c'est une production. Non, mais Protactile, oui, mais enfin, c'est prod, tout le monde sait que prod, c'est le diminutif de production non, et pas de champignons. Non, hein non, moi, je dis pas réal, je dis réalisateur. Moi, je dis réal. Non. D'accord, moi. Ok. On va vous mettre le truc et on va aller se battre. Vous verrez qui revient après. Voilà. Peut-être moi. Voilà. Peut-être qu'il n'y aura plus personne. On envoie Tactile, TTC. Peut-être qu'il n'y aura même plus Sunshine, qui pour n'est de toute façon pas là. Qui est sur l'album 3615 TTC, si je ne m'abuse. Je ne m'abuse. Allez, Jeanne, calmement. Allez, Jeanne, on y va. C'est bon? J'aime bien travailler, mais ça dépend des jours. Il y a des jours pour et des jours pour pas travailler. J'aime bien travailler, mais j'aime bien dormir aussi. Ce que je préfère, c'est quand je travaille au lit. J'aime bien travailler, mais le week-end je me la coule douce. Sirotant ses mains délicieux, merguez et couscous. J'aime bien travailler. Est-ce que t'aimes bien travailler? J'aime énormément l'argent, c'est pourquoi j'aime bien travailler. D'accord, ne compte pas sur nous pour qu'on remplisse ton emploi du temps et ses trous. T'es dégoûté? Tu fais une drôle de tête. Nous on part jamais en vacances, on est des fous. Ne compte pas sur nous pour qu'on remplisse ton emploi du temps et ses trous. T'es dégoûté? Tu fais une drôle de tête. C'est parce que TTC continue là où tu t'arrêtes. On travaille et gagne en assurance. On bataille et tue la concurrence. Toujours plus, je veux toujours plus. Allonge, donne-moi tout.

petit coup de gueule. Chache, petit con, tu t'es pris pour qui là? Détends, tu Facebook. Tu parles correctement. Peut-être une fessée. Facebook, mais ça va pas, MySpace, non mais ça va pas. Il paraît qu'il faut que qu'on parle plus fort, mais c'est peut-être qu'il faut que tu montes le volume de ton putain d'ordinateur de merde. Tu t'as dans les oreilles, quoi, c'est tout. Tu t'achètes un Mac et arrête avec ton Amstrad à la con. Je voulais de l'anecdote, et ben voilà. Voilà, je l'anecdote. J'achète un petit con. Petit con. Bon, alors... On pourrait faire un jingle. Petit con. Petit con. Alors donc, qu'est-ce qu'on écoute les filles encore? Vous avez encore quelques minutes pour nous envoyer tout votre bon son. On va écouter. Enlève ton doigt, Fabien, mon Dieu. Le grand sommeil d'Étienne Dao, remixé par Sweet Light. Non, non, par qui? Par Sweet Light. C'est un remix pour toi dans les tubes 80. C'est un remix de Sweet Light. Il faut parler clairement, distinctement, sinon on t'entend pas. Mais je te fais pas chier. C'est toi qui me faisais chier le premier jour où tu me disais. C'est pas moi qui t'a. Non, excuse-moi, mais c'est pas moi qui t'ai envoyé que tu n'étais pas de bonne humeur et que ça se sentait. Oui, d'accord. Moi, je t'ai envoyé que c'était chambé. Ah bah merci. Moi, je suis une grosse lèche-cul. Je pensais la même chose que le monsieur qui t'a envoyé. Règlement de compte, encore une fois. Règlement de compte. On écoute tout de suite le grand sommeil. On s'aime. Avec Étienne Dao. À la pas. Voix, un pas. Sweet Light. Je lui dis que je l'aime, il répond pas. Non, je te réponds pas. Quel PD. À l'envers. Allez les filles, c'était donc le Miaou Mix. On va écouter encore un dernier titre. Ouais. Je voulais vous dire que là vous nous entendez, on parle, on est chez Joachim, tout ça c'est super. Ouais, mais on rigole. Ce qui est très marrant, c'est qu'on vient de s'engueuler avant de couper le micro. Donc ouais, on s'insulte. Ouais. Et une fois qu'il coupe le micro, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui parle. Il y a comme une vie qui s'éteint. Voilà, c'est ça. On ne vit que à travers ma radio. Et grâce à ma radio. Voilà, on ne vit que grâce à ça. Ave ma radio, ave Joachim. Ave moi, ave grand moi. On va écouter un dernier titre que Sunshine va nous balancer. Voilà, donc le dernier. Donc, For All My Friends de LCG Sound System. Et pour vous. Et on précise toujours qu'on est bien sûr demain soir chez Maxime, parce qu'une petite page de pub n'est jamais de trop. Voilà, reply sur les guest list. Au cas où vous n'auriez toujours pas compris. Demain soir, on est chez Maxime. Pour la partie animale. J'ai l'impression de faire le club Dorothée. C'est super. J'ai l'impression d'écouter votre message téléphone. Vous êtes bien sur la. Et chacun dit son truc. Vous êtes bien sur la messagerie de Sunshine et je ne sais plus qui. Un peu comme les bon anniversaire, tu sais, les CD qui vont avec ton prénom. Il avait rajouté au stylo. Moi, je pensais plus à. Tu sais, quand tu appelles des amis qui viennent de se marier et ils sont tellement contents d'être en couple qu'ils disent : vous êtes bien chez Pierre et Jeanne, laissez un message. Voilà, c'est ça. C'est le genre et 10 ans après, vous êtes bien sur le répondeur de Jeanne. Jacques oui, si, Jacques. Si vous voulez joindre ma femme, ce n'est plus ma femme. Veuillez la rappeler à un autre numéro. En ce qui concerne Paul, je ne te parle plus. Maman, je t'aime. Et le banquier, je t'emmerde. Allez, on balance All My Friends, LCD Sound System sur le Miaou Mix sur ma radio. Je vais faire un rire con. Ah, le rire con avant de balancer LCD Sound System. Ouais, voilà. Et ben, on va écouter. Voilà, c'était le rire con. Allez. On préfère écouter LCD quand même. Hein, exactement. Ton rire con. Enfin, nous voir mixer surtout. Hein. J'arrive pas. Oh non. Attends, je vais faire. Elle fait la grève des doigts. Et ses doigts qui répondent plus. Thank you. Ça devient long là. Ça devient long, mais c'était bien. C'était bien, qu'est-ce que c'était bien, on a aimé ça. À 3 c'est chambé. À 3 c'est bien. Mais n'oubliez pas, à 2 c'est mieux, demain chez Maxi. La femme sandwich. Tu fais ta pub et c'est bien, tu le fais bien. Attends, hein, j'ai eu peur. Tu fais ta pute. Tu fais ta pub. Ouais, tu fais ta pute en faisant ta pub. Voilà, bah, c'était le Miaou Mix pour un set exceptionnel. Enfin, un set. Elles nous ont balancé des titres, quoi. Attends, demain c'est un vrai set. Demain c'est un vrai set. Merci à vous deux d'être venus. Merci, c'était... De, nous merci de nous avoir supportés. Je rappelle que je reviens demain matin. Non. Avec le petit-déj. Non, demain matin, moi, je travaille. Non, moi, et je te laisse tranquille. Voilà, t'es gentil. Moi, je travaille. Moi, et, je il n'y aura pas... conne. Et il n'y aura pas de diffusion demain parce que je... Voilà, il n'y a pas de diffusion demain. En revanche... Il va jouer au golf, ce con. Non. Aucune diffusion, donc pas besoin d'essayer de se connecter. En revanche, connectez-vous à partir de lundi. Ça repart lundi sérieusement. Voilà, donc. T'as vu la position qu'il a pour parler? Il est bon, lui. Oh, arrête. On dirait un commentateur sportif. Tout pour la vanne. Bon, et ben voilà, c'est tout. Ben, je vous embrasse. Merci d'avoir suivi toutes ces émissions avec nous. On a eu Le Mato en première partie de soirée. On a eu Shepuki et Sunshine en deuxième partie de soirée. Vous pouvez les, et bien, bien sûr les retrouver demain soir. Chez Maxime. Chez Maxime. La pub. On dirait la pub totale. C'est le mec qui passe et qui repasse. Passez une bonne soirée et on se finit, oui j'ai bien dit on se finit sur LCD Sound System, on écoute la fin et après déconnexion de ma radio. Vous pouvez dire bonsoir les filles. J'étais sûre. Il avait le regard en coin comme ma mère quand je dis pas ce qu'il faut. Je veux dire bonsoir les auditeurs. Allez, salut, bonsoir les auditeurs. Oh, j'adore. À demain. J'adore à demain. Avoir des voix de filles en fait sur cette radio. Enfin, moi, elle est pas très féminine, la mienne, mais bon. Si, si, mais t'es, elle est nasale, la tienne, mais elle est belle. Comment ça, nazie? Qu'est-ce qui me traite de nazie? Nasale. Elle dit que t'es antisémite. C'était la fin de la radio. Au revoir Fabien, au revoir Sunshine, au revoir Chepi. Au revoir les Teletubbies. Au revoir les amis. Lala. Allez, passez une bonne soirée. C'était et à demain radio. Chez et Maxime's. Arrête. Trop de pub, tu l'as pub. Oh, putain, ta gueule, au moins ils ont vraiment retenu. Ah, on nous entend encore. Bon, allez, coupe.